Les as, les as, les as, les as, les as, les as. Na le Salégui, à la Réunion de Séga. En Jamaïque, le reggae, en Imoris, le Maloya, en Côte d'Ivoire, le Zikribiti. La musique n'a pas de frontières, venez danser. La musique n'a pas de barrières, venez danser. Si tu aimes la musique, viens avec nous, nous danserons jusqu'à l'aube. Africa Music. We'll be right back. Solo poco.